Dès que tu t'en vas, que tu quittes la chambre, moi je sens ton coussin et je bande. Est-ce que tu te souviens quand tu suçais mon cousin? On s'aimait encore, triste sort. Mais aujourd'hui tu m'as quitté. Oh, oh, oh. Et ce soir je vais me tuer. La nette impression d'avoir perdu 2 années, le stress et la pression déjà chantés. Plus de voitures qui passent, ni cris ni révolte, un silence de mort, un mort qui flotte. Mais aujourd'hui tu m'as quitté. Oh, oh, oh. Et ce soir je vais me tuer. Tu peux désormais refaire ta vie. Oh, oh, oh. Inutile de me dire merci.